Monsieur Hilton, d'abord, oui. Est-ce que vous acceptez cette étiquette de délinquant sexuel? Pas du tout. C'est 7 ans, 10 ans, je dis j'ai innocent. C'est un complot contre moi, pour ma fille, pour ma femme. J'ai innocent, je vais dire ça encore, j'ai innocent. Encore de compte bancaire aux îles Caïmans, même s'il est assez paradisiaque, merci, quoique peu attrayant fiscalement. Voici votre animateur, Jean-Philippe Beau. Oh, oh, Dieu! Oh, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre la grosse, grosse, grosse nouvelle de la semaine. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais imaginez-vous que le directeur général des élections nous a appris, OK, tenez-vous bien, là, que les partis politiques au Québec auraient déjà reçu de l'argent sale. Oui ou non? Je vous le dis! Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Hey, on l'a pas vu venir, celle-là? Moi, je suis flabbergasté! Écoute! J'ai le scrutin qui pique. Vous avez des problèmes de scrutin, vous, hein? Si, oui, régulièrement. Ouais, il y a des crèmes pour ça, Fred. Ouais. Humour social, qu'on dit, je pense. Humour social! Ah! Mais c'est pas tout, on a également appris cette semaine, et là, tenez-vous bien, que le PQ en a remis avec ses nominations partisanes. Ben voyons donc! Je vous le dis! Ben dans quel monde vit-on? Ah, que c'est bien dit. C'est bien formulé, ça coule bien. Non seulement ils ont nommé Gilles Duceppe, vous le savez, c'était la semaine dernière, Gilles Duceppe, donc, à la tête de la commission sur la réforme de la main-d'œuvre, et cette semaine, ils nomment l'ancienne ministre péquiste Rita Dionne Marcellin sous le même comité. C'est dégueulasse! Et hey, puis le pire là-dedans, là, en plus, moi, c'est ce qui m'écœure, c'est du monde compétent. Hey, franchement, les traditions se perdent, Fred! Ben oui. Voyons donc, avec le PLQ, là... Fallait pas être compétent, fallait donner de l'argent comptant. Ben oui. Hein, tu sois petit, grand, gros, pas de problème, pas de discrimination. Tant que t'as ton enveloppe, tu l'as, job. Ben oui. Franchement. Ah, mais comme quoi, il faut jamais prendre une nomination pour du cash. Hein? Ah, c'est drôle. Jamais. Et qu'il y a des gens qui sont. J'aime ça quand les gens font. Ils sont pleins de support pour vos blagues, en tout cas, Fred, ce soir. Hey, mais il n'y a pas juste le PQ qui a mal paru cette semaine. Oh boy. Il y a aussi le syndicat de FTQ Construction, hein, ouais, qui a été reconnu coupable d'intimidation sur les chantiers de la Côte-Nord. Oui, non, hein? Du tordage de bras par des taupins sur un chantier de construction. Ouais. Je tombe en bas de ma pépine. Ben justement, c'était pas mal ça qu'il faisait. Il faisait tomber des gens en bas de la pépine. Ouais. Ben surtout la CSN. La CSN, ouais, c'était ça. Pouf! Ben, c'est haut une pépine, ça paraît pas. En même temps, quand ton responsable du recrutement s'appelle Rambo, tu dois pas trop triper ces consensus. Non, non. Moi, je pense que ça prendrait des gars avec des surnoms plus inoffensifs, comme genre Bernard Bambi Gauthier. Tu sais, un petit Bambi, ben là. Ben oui! Avec ou les yeux humides, là. Tu sais, on pense, là, Bernard Léo Bureau Blouin Gauthier. Ben voilà! Hey, ça, c'est inoffensif. Ben oui! Plein de consensus, ça. Les consensus de Laval. Hey. Plein de consensus de Laval. Vous l'imitez bien. Parlant de gros bras, il y a les gangs de rue, on a appris ça cette semaine, oui, qui seraient de plus en plus présents dans le quartier 10-30. Ben oui, hey. Une gang de rue au quartier 10-30? Oui. Il n'y a même pas de rue au quartier 10-30. Mais non. On appelle ça des gangs de stationnement. Ah! C'est spécial. En tout cas, si tu veux du crack à cette heure, ça te prend un char. Ben oui, je... Colin! Je sais. Hey, imaginez ça ben gelé dans le quartier 10-30. Hey boy. Hey, le cauchemar. Je disais, même à jeun, je suis pas capable de sortir de là. Ben non. Tu tournes. Paf! T'arrives en face du fossé. Toujours la même affaire. Regarde, c'est pas compliqué. Ah, c'est bien pour dire, même le crime organisé veut plus faire affaire à Montréal. Ben non, c'est normal. Essaie de te sauver du plateau Mont-Royal, toi. Tu tournes, pas de fossé. Ben non. C'est la seule différence. Yeah, ouais. Franchement. Mais justement, pas de gang de rue à Montréal, c'est pour ça que les policiers commencent à s'intéresser aux piétons. Ben ouais. Hein, les piétons. Je sais pas ce qu'ont les policiers à Montréal. Ils sont bien stressés par le monde dans la rue. Hein. Ça dirait que c'est son temps. Son temps, temps. Moi, pourtant, c'est pas compliqué. Il faut juste donner son itinéraire aux policiers. Ben oui, moi, c'est ça que je fais. À chaque fois, je vais faire mon épicerie. T'appelles ton poste de quartier. Ben oui. Tu donnes ton itinéraire. J'ai jamais eu de problème, non. Moi. Jamais. Hey, moi, là, je les appelle à chaque fois que je traverse la rue, ouais, même quand le feu est vert. Là. Ah. Mais là, j'avoue que dernièrement, ils sont comme moins patients. Ils sont tannés, là. Ouais, ils sont comme tannés. Peut-être juste les appeler quand le feu est rouge. Ouais, peut-être. En tout cas. Parlant de travail, il y a un organisateur conservateur qui a été accusé enfin d'avoir planifié les fameux robocalls lors de la dernière campagne électorale. Et fin intéressant, son nom, Michael Sonar. Michael Sonar? Michael Sonar. Ouh, il est dans l'eau chaude! En rediffusion 16h. Puis en plus, il prétend... Merci. En plus, il prétend être une... être une victime qu'on a sacrifiée pour sauver la face. Ouais. Un genre d'écran de fumée. Oh. ou de buer. Je sais pas comment. Honnêtement, c'est pas grave. Mais en même temps, ça devrait être facile de prouver sa culpabilité. Ben oui. Il me semble qu'un robot d'un sauna, ça rouille. Ben oui, hein? Je comprends. Franchement. Moi, j'en ai scrappé des Tamagotchi d'un sauna, moi. Qu'est-ce que tu faisais avec des Tamagotchi d'un sauna? Ben, c'est comme des petits porte-clés. On se passait les clés. Là. OK. Ben non, on faisait du ah, c'est couch, bon. Du couchsurfing. Ah ouais, OK. OK, on enchaîne. Okay. Humour social prise 2. OK, toujours dans le domaine du Tamagotchi, parce que c'est un sujet franchement intéressant. Il y a Kim Jong-un, le leader éternel de la Corée du Nord, oui. qui devrait peut-être apprendre un sauna, lui, oui. Hein, pour le relaxer. Il est très tendu. Il est très tendu. Et qui est tendu, ce monsieur-là. Oui. Hein. Il n'a pas de l'air d'être... Non. Il a pas d'air de fun. Non. Mais quand même, c'est inquiétant ce qui se passe là-bas, parce que ça fait quand même 5 fois que la Corée du Nord menace les États-Unis de frappe nucléaire. Hey, 5 fois, ça commence à être impurant pour vous. Mais là, 5 menaces, puis il se passe rien? Oui. Bon, ça ressemble à la gouvernance souverainiste du PQ, ça. C'est vrai que... Mon Dieu, les gens sont bien... Dis de même, c'est moins stressant. Ben oui! C'est comme si on... Et en plus, le PQ n'a plus d'armes nucléaires depuis qu'on a fermé Gentil 2. Et voilà! Ah! Pas mal moins stressant. Tout va bien! Ben oui! Mais heureusement, ce soir, on a 2 invités qui sont explosifs. Oui. On reçoit d'abord le député du PQ, Daniel Breton. Oui, qui, selon Jean de Montréal, aurait été une arme de destruction massive. Ben ça, c'est le Journal de Montréal, oui. Hein, c'est ce qu'il raconte. Ils sont de mauvaise foi. Hey, hey! À peine si on les lit. Ben, moi, je tourne les pages. On les regarde plus, oui. On scie les doigts. On reçoit également, merci Fred, on reçoit également Isabelle Richer. Elle doit être en dépression depuis que la commission Charbonneau a pris congé 2 semaines. Là. Ben oui, hein. Comme un petit down pour elle. Down. Ben, on a le temps d'y demander, Fred, parce que la soirée est encore jeune. À l'écoute de la soirée, Olivier Niquette, bonsoir. Oui, salut. Les gens internets. Peuvent... Oui, les internets. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, ou sur notre site radiotradunioncanada.ca/lasoirée, où ils pourront lire les perles de sagesse du maire de Saguenay, Jean Tremblay, comme le temps est une chose périssable, ou encore pas de foi, pas de bonheur. Ben, c'est un peu vrai. Ça fait réfléchir. Bon. Merci beaucoup, Olivier. Ben, c'est vrai que le foie de veau, moi, dans la salade, là, c'est le bonheur. Foie de poulet. Pour vrai, Fred, faites attention, il faut que je le dise. Okay? Ça devient lourd. Hey, grosse semaine d'actualité. Grosse semaine, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler d'une grande découverte en astronomie. Ah, hein, oui. Des chercheurs seraient sur le point d'élucider le mystère des fameux trous noirs qui composeraient le cœur de l'univers. Ah, les trous noirs, c'est ça qu'il parlait à l'émission Enquête, là? Non, ça, non, c'était sur les paradis fiscaux dans les Caraïbes, Fred. Ben, c'est la... ça, les Caraïbes, c'est comme des trous noirs, là. Hein? Ah, les trous noirs fiscaux? Ouais. Il y a des banques là-bas, là, spéciales. Là. Vous vouliez dire des tout noirs. Non, mais oui, okay. C'est ça, fiscaux. Humour social numéro 3. Stéphane, il y a des gens qui ont applaudi, puis ça me fait chaud au cœur, Fred. Stéphane Baillargeon du Devoir, vous connaissez Stéphane, a lancé un autre pavé dans la mare cette semaine avec un article intitulé « Roté dans sa mangeoire », qui dénonçait le retrait de l'émission « Une heure sur Terre » de la programmation. Et selon lui, c'est la preuve que le Québec se replie sur soi et ne parle plus d'actualité internationale. Et ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici 5 émissions qui pourraient nous informer sur ce qui se passe dans le monde. En première... Non, c'est pas vrai. En 5e position. Moi, je la mettrais en première, c'était moi. Cap sur Pyongyang. Marc Hervieux et Marie-Josée Taillefer pilotent un B-52 vers la Corée du Nord en échange de 5 000 $. Mon Dieu, c'est cher à payer, il me semble. Pour aller en Corée du Nord? Non, 5 000 $. Ah, pour voir Marc Hervieux, ben oui. En 4e position, des squelettes dans le placard en Éthiopie. Patrice Lécuyer trouve aucun placard, juste des squelettes. Ah, franchement! Ça, c'est de mauvais goût. Ah, mais ça! Mais humour social quand même. Ben oui. OK. En 3e position, le téléjournal 22h au Vatican. Une lectrice de nouvelles s'en va au Vatican et pose enfin les bonnes questions. C'est de mauvais goût. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Hein? En 2e position, l'épicerie en Syrie. Denis Gagné nous montre comment manger des pommes grenades une seule fois. Et Joanne Despins nous donne des recettes pour apprêter les restants de Denis Gagné qui sont en vente en barquette, 3 $ le kilo. Halal, évidemment, je sais. Et en 1e position, les enfants de la télé en Chine. Véronique Cloutier constate qu'il n'y a pas d'enfants qui font de la télé parce que ce sont les enfants qui font les télés. Et Antoine Bertrand rit. Ah! C'est toujours drôle, Fred, notre premier invité. Ancien chroniqueur auto à Radio-Canada, il s'est fait connaître comme militant écologiste, mais moins comme militant du recyclage. Accueillons le député péquiste de Sainte-Marie-Saint-Jacques, M. Daniel Breton. Monsieur Breton, hey, je me trompe, Monsieur Breton, on est dans votre comté, là? Oui. À Radio-Canada? Bienvenue chez moi. Ah oui? Ben, mais merci de nous accueillir, M. Breton. Ça me fait plaisir. Vous le saviez pas, mais on est là depuis une couple de semaines quand même. On est content que vous soyez avec nous, M. Breton. Parce que après votre démission, on vous a un peu perdu de vue. M. Metron? Oui, vous avez raison. Bon, comment ça, donc, vous êtes disparu de même? Parce que je me suis occupé de ma famille. Ça, c'est une bonne décision, souvent. Ouais. Ça. Est-ce que ça fait regretter d'être allé en politique, ça? Pas du tout. En rétrospective, là, est-ce qu'on vous aviez vraiment besoin de démissionner pour tout ça? Oui. Ah oui? Oui. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait ma mère que ça impliquait. Et la principale raison pour laquelle j'ai démissionné, ça, je l'ai dit ici à Radio-Canada, à la télé, c'était parce que c'était en train de tuer ma mère, ce qui se passait avec moi. C'était trop d'affaires en même temps. C'était trop d'affaires en même temps. Et ma mère, qui ne me voyait pas, qui était à 2000 km au sud, voyait ça dans les journaux à tous les jours. Puis ça lui a fait tellement mal qu'à un moment donné, j'ai vraiment craint pour sa vie, sa santé. Mais justement, la politique, des fois, c'est pas juste trop. Parce que vous étiez un militant écologiste. Convaincu et convaincant. Merci, Fred. Ouais. Convaincu, convaincant, ça, je cherchais. Il est très bon, honnêtement. Il est pas pire comme un souffleur. Depuis la fin des apartistes de sa carrière, ça monte. C'est malade. Donc, et là, maintenant, vous faites de la politique un peu. Vous êtes un peu retiré. On vous voit moins au Parti québécois depuis quelques semaines. Est-ce que vous, justement, regrettez pas cette tranquillité-là quand vous étiez militant? Oh mon Dieu, ma vie n'est pas tranquille du tout. Là, je veux dire, comme depuis Marie-Saint-Jacques. Oui. Ah, bien, beau comté d'ailleurs. Non. Bien, c'est un comté extraordinaire. D'abord parce que c'est un comté qui est très éclectique. Oui. Tu sais, vous savez, d'un côté, moi, j'ai le parc Émilie-Gamelin. Oui, c'est une belle place, ça. Il y a l'accueil Bonneau dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il y a la Maison du Père dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il y a le Oldbury Mission dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Donc, les problèmes liés à l'itinérance sont très grands. Oui. OK? Et en même temps, dans le comté, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le club 357C. Oui. Oui! Ça, il y a beaucoup d'itinérants aussi. Donc, j'ai des extrêmes. Mais c'est pas tout à fait le même genre d'itinérants. Non, c'est ça. Puis il y a aussi Radio-Canada qui est. Ça, c'est plein d'itinérants, ça. De plus en plus sans-abri. Énormément. Il y avait des manifestations contre la brutalité policière récemment et vous êtes passé faire un tour, aller dire bonjour. Ou aux policiers, ou aux manifestants. Ouais. Non, bonsoir. C'était à qui vous vouliez parler? Ben, en fait, aux policiers et aux manifestants. Vous avez parlé aux deux? Oui, absolument. Vous êtes interposé entre les deux. Je ne suis pas interposé. Groupes. Je suis allé là pour entendre ce que les gens avaient à dire des deux côtés. Vous savez, je suis, et de très loin, l'élu qui a organisé le plus de marches, de manifs, de mobilisations au cours des 15 années. Ben oui, ben c'est ça. Vous avez de l'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. Ben oui, vous les connaissez toutes personnellement, les policiers. Je peux vous dire que. Au fil de ces années-là où j'ai organisé des manifs pour la paix, des marches pour la terre, etc., ce qui m'étonne, c'est que moi, il n'y a jamais eu une arrestation, il n'y a jamais eu de casse, il n'y a jamais eu de violence. Parce que nous, on faisait en sorte que ce soit très clair dès le départ que tous ceux qui voulaient faire du trouble n'étaient pas les bienvenus. Parce que ça nuit à ton message et ça décrédibilise ton message. Justement, parce que ça a été un gros problème des manifestations du printemps dernier et même des manifestations qui viennent de se dérouler, les casseurs qui viennent s'infiltrer. Mais on fait comment pour les enlever de la gang? Les gens qui me connaissent... Ils doivent savoir que je les intimide. Ah oui? C'est vrai. Ben oui, mais... Non, blague à part, c'est parce qu'on a un service de sécurité. Oui. Quand tu fais des manifestations, tu mets en place un service de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ceci dit, moi, je veux dire, j'étais là pour entendre ce qu'on m'a dit sur la brutalité policière et j'ai demandé aux gens de m'envoyer des vidéos, de m'envoyer des documents pour que je puisse regarder ça de près parce que, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'il y a des questions à se poser et c'est ce dont je vais... D'une part et d'autre, exactement. Ben justement, parce que là, on a appris... En fait, c'est que ça a été peut-être un peu mal communiqué parce qu'on a appris que vous étiez sur la manifestation et des gens qui ont dit, ben, vous manifestez contre la brutalité policière. Après ça, bon, on a appris que vous aviez demandé la permission à Pauline Marois d'aller faire un petit tour. J'ai pas demandé la permission. Même pas. J'ai informé les gens du caucus que j'irais. Okay. Parce que, comme personne qui a fait beaucoup de mobilisations, beaucoup de manifestations, je suis quelqu'un qui connaît bien ça. Comme, vous pourriez être ministre de la manifestation, en fait. Surtout en ayant mon bureau en face du parc Émilie-Gamelin. Ah ben oui, c'est une belle place, ça! C'est comme moi, j'ai une loge corporative. C'est ça! Et les gens peuvent s'asseoir. Ah oui. Et là, manger des peanuts. Et dire, ben moi, je prends les policiers ou je prends les manifestants. Mais faites attention, parce que le parc Émilie-Gamelin est en train de se faire tirer le tapis de sous les pieds par le 10-30, là. C'est rendu à une nouvelle place, hein, pour... regardez, c'est ça qui se passe. Pas plus de stationnement, mais bon. En tant qu'ancien ministre de l'Environnement et surtout membre du PQ, ça vous tente pas de jouer la belle-mère de temps en temps et d'appeler François pour lui dire qu'à gauche ou à droite, ça marche pas ce dossier-là, je ferais ci, je ferais ça. Est-ce que vous tirez encore les ficelles de ce ministère-là, vous qui connaissez autant l'environnement et ses dossiers à faire? Hein? c'est pas que je tire les ficelles, c'est qu'on a des échanges. Des fois, François m'appelle ou les gens de son cabinet m'appellent. Vous avez son et numéro de téléphone? On discute là-dessus. J'ai les numéros de téléphone de plusieurs personnes. Oui, mais je suis marié, Colin. Hein? Oui. Et puis, mais on a des échanges aussi avec Martine ou avec Sylvain. C'est pas juste avec Yves-François, là, je veux dire, il y a des échanges d'informations qui se font. Quand on a une expertise, c'est sûr qu'il faut, faut l'utiliser à bon escient, je veux dire. Tu sais, j'ai pas dit, je vais me réfugier dans Sainte-Marie-Saint-Jacques et je ne me préoccuperai plus des dossiers d'environnement, d'énergie ou de transport, c'est clair. Il y a Stephen Harper récemment, qui, ben, en fait le gouvernement Harper, qui a décidé de placer les environnementalistes, ou en tout cas certains groupes environnementalistes, sur une liste terroriste, hein, à quelque part de terrorisme dangereux. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes une personne dangereuse, M. Breton? Je pose cette question-là très sérieusement. Il y a beaucoup de gens qui sont sous ma responsabilité ici dans la salle. Je me sentirais très mal qu'il se passe quelque chose. Écoutez, moi, je vais vous dire ce que je pense qu'eux considèrent comme dangereux, oui. C'est l'information. Ah, vous pensez ça? Ben oui. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là, tout ce qui a rapport avec la science et l'information, oui. Pour eux, ça peut être dangereux si ça va à l'encontre des messages qu'ils veulent faire passer ou des politiques qu'ils veulent mettre de l'avant. Moi, des fois, j'ai l'impression, de façon tout à fait honnête, là, oui. À un moment donné, j'ai eu un flash, puis je me disais, Galilée, il y a 400 ans. Oui, bon, c'est tout un flash de gens partout, oui. Oui. Quand il s'est fait oui. Dire, oui. OK, écoute, la science, oui. Ce que tu dis, là, on ne veut pas l'entendre, et si tu le communiques, tu vas être dans le trouble. Bien, quand j'entends ces temps-ci, les scientifiques du gouvernement du Canada se faire dire, la science, si vos données scientifiques et vos études vont à l'encontre de nos politiques... Bien, on ne vous financera plus. Bien, c'est une version moderne de ce qu'on a vécu à l'époque des Galilées. Hey, imaginez si Galilée avait un compte Twitter. Ben, il paraît. Ah, il paraît même que la loi de la gravité aurait un billet gauchiste. Bien, le réchauffement climatique n'est-il pas un complot socialiste? Tout à fait. Voilà. Bon Dieu, qu'on s'entend. Ben, ça, c'est une vieille histoire. Partez un groupe d'humour, les boys. Ouais. Vous restez avec. Non, honnêtement, partez pas de gros d'humour avec lui, c'est pas super. Vous... on en partira un plus tard. Vous restez avec nous? Peut-être. Ben non, reste avec nous, franchement. On va voir Isabelle Richer tout à l'heure. On l'a vu un peu plus tôt, la FTQ Construction a été particulièrement malmenée cette semaine et on s'est dit qu'elle avait besoin d'un peu d'amour et d'empathie. On a donc préparé ce qui suit, on écoute. Bon, là, j'aimerais parler à ceux qui n'ont pas encore cotisé à l'horaire du Fonds de solidarité FTQ cette année. Les autres, profitez-en pour faire du ménage de ton coffre à gants, aller faire un grid cheese ou juste penser à ce que tu vas pouvoir faire avec ton 30% de crédit d'impôt additionnel. Allez, juste une minute, là, je vais me faire une petite ligne. Ceux qui restent, là, tu me vois pas, mais je te regarde avec mon regard pas content. Mais je t'aime bien, fait que je vais te confier un petit secret. Là, mon sacrament, là, tu vas prendre un réel de la FTQ, OK, là? Parce que sinon, là, mon hostie, on va t'envoyer Bernard Rimbaud-Gauthier, puis il va voir qu'économiser avec pas de dents, c'est pas bien le fun, OK, là? Si t'as jamais fait de camping dans une tente à oxygène, là, ça va être ton tour, mon sale. M'as-tu compris? Fait que cotise! Si tu veux pas manger de la soupe aux dents. Lisez le prospectus avant de vous faire péter la gueule. Humour social. Ah oui! vous l'aimez, et nous aussi. Il est beau, il est bon, et paraît-il qu'il sent bon. Eh bien oui, c'est l'alléchant Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, mon Dieu. Ben, ça va bien, mais je viens de perdre un tympan à cause de vous, là. Oui, ça va bien? Ah, très, très, très bien. Je suis présentement à l'inauguration du tout nouveau planétarium Rio Tinto Alcan, ah. Qui est situé dans le village olympique de Montréal. Ça, c'est le fun. Non, pas vraiment. En fait, je suis pas vraiment ici pour vous parler des étoiles ou du soleil, mais simplement parce que grâce à mes contacts, j'ai su que la grande star de la semaine dans l'actualité était présente ici pour l'inauguration du dit planétarium. Oui. Elle nous a annoncé cette semaine qu'elle allait se présenter aux prochaines élections municipales de Montréal et j'ai nommé la fougueuse Louise Arel que je viens de retrouver dans la foule. Madame Arel, bonjour! Cher Jean-Sébastien, comment quel bonheur, quel plaisir! Merci vraiment beaucoup d'être avec nous. Donc, évidemment, je suis ici pour vous faire passer un petit test, un test intitulé « Connaissez-vous bien Montréal? » Un test que je vous ai préparé pour savoir si vous connaissez suffisamment votre ville pour la diriger. Mais avant, oui. On va jaser de politique municipale, si vous le permettez. Mais juste avant, j'ai quand même une entente avec votre attaché de presse. Pour pouvoir vous parler de politique, il faut d'abord que je vous pose une question sur le planétarium. Alors ma question, donc c'est ça, le planétarium, c'est toujours à la même place? Ça fait 13 ans qu'il y en est question. Alors 13 ans, c'est un chiffre chanceux. Là. Et l'ouverture très, très officielle pour les Montréalais, c'est samedi. Samedi? Oui. Ben voyons donc. Samedi. Maintenant, aujourd'hui... parlons de choses intéressantes. Votre annonce de cette semaine, vous allez briguer les suffrages en novembre prochain. Vous êtes à peu près convaincu de gagner. Sauf que moi, même si je vous aime beaucoup, Mme Arel... Moi, je suis convaincu de gagner que quand je saurai que vous m'appuyez. Mais peut-être que je vais vous appuyer à la fin de cette intervention parce que j'ai quand même certaines inquiétudes. Vous et votre parti, vous vous lancez dans la course malgré une dette impayée de 575 000 $. Faire gérer ma ville par du monde endetté, c'est pas un petit peu comme si Guy Turcotte proposait de garder mes enfants ou que Magneto me proposait un one night? Ben, au moins, dites-vous qu'elle était de 1,6 million en décembre 2009 puis qu'il y en a déjà deux tiers de payés. Si ça peut vous rassurer, il y en a juste le tiers. Vous êtes positive, puis c'est pour ça que je vous aime. Dernière inquiétude, si vous dirigez ma ville, j'imagine que vous allez parfois devoir être autoritaire, vous fâcher. Vous allez avoir besoin de hausser le ton. Ma question, est-ce que vous pouvez vous fâcher en dépassant 10 décibels? 10 décibels, ça correspond au bruit du vent dans les feuilles. Écoutez, je vous rappelle la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne s'abat, le roseau peut servir de fouette. Ah! Ouais. Ben c'est bien beau! En plus, vous êtes cultivé. Je dois dire que je commence à vous aimer pas mal. Mes inquiétudes sont pas mal atténuées. Reste à savoir maintenant si vous connaissez bien votre ville. Alors, je vous propose d'écouter le billet de Frédéric, Madame Arel, et on vous revient tout de suite après avec le jeu questionnaire. Excellent. À tout de suite. À tantôt. Ah, merci Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Beautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui ne boycotte jamais l'anglais, mais qui boycotte toujours Jacques Sanson. Ah, Frédéric! Ben oui! Rions socialement. On va essayer. Non, mais je vais faire l'avocat du diable cette semaine. Hein. Vous savez, je n'ai peut-être jamais dit à l'émission, mais j'ai toujours voulu être avocat. C'est un rêve que je caressais jeune. Mais malheureusement, mes capacités académiques à l'époque où j'étais à l'université étaient monopolisées essentiellement à fumer de la marijuana et à tenter de reproduire les gestes qui permettent de se reproduire sans se reproduire. Bref, je n'étais pas très focus, comme on dit dans les cercles. Okay. Et j'avoue qu'être avocat du diable, contrairement à un avocat de droit commun, est beaucoup plus agréable puisqu'on n'a pas de barreau à se passer. C'est plutôt une espèce de bâton de plaisir. Et je prendrai donc... Non, mais c'est l'avocat du diable. Okay. Je prendrai donc la défense du gouvernement conservateur que je trouve injustement malmené ces derniers temps. Et j'en veux pour preuve deux récentes décisions qui ne rendent pas justice à toute l'intelligence de ce gouvernement. Pensons au retrait du Canada du traité de l'ONU contre la désertification. Les gens ont chiolé. Même s'il reste encore quand même 193 pays qui participent, alors que nous ferons maintenant cavalier seul. Les gens sont tellement conformistes, ils aiment suivre le troupeau. Et il y a des vertus à croire fermement aux valeurs de la sécheresse. Comme on dit dans la langue de Shakespeare, « In sesh we trust ». Non, non, je pense qu'il faut être fier que le Canada fasse cavalier seul pour la sécheresse. Pensez à toutes les réserves d'eau douce qui dorment dans le sous-sol canadien. Ne pensez-vous pas qu'il ne serait pas formidable d'assécher la planète pour lui vendre notre eau canadienne à fort prix, M. Breton? Vous semblez très d'accord. Justement, les écologistes ne pourraient plus chialer la bouche pleine de tofu et de gazon biologique. Puisque les nappes phréatiques ne seraient plus polluées, elles seraient maintenant exportées. On pourrait accumuler des milliards de profits et le ruissellement de la péréquation ferait en sorte qu'on pourrait continuer à financer nos programmes sociaux, en plus de subventionner l'achat de bouteilles d'eau, puisque nos robinets seront aussi exportés. Et la sécheresse mondiale pourrait également régler notre problème de pénurie de main-d'œuvre. Il nous manque 50 000 travailleurs annuellement, juste au Québec. Et comme la Terre, grâce au Canada, séchera comme une vieille fille ou un vieux garçon, si vous êtes doctorante en études féministes, eh bien, la Terre entière affluera vers le Canada. D'où l'importance de revamper notre guide du futur immigrant, ce que le gouvernement Harper a fait, et on chiale encore. Le nouveau guide a maintenant 150 pages au lieu des 50 pages de la dernière version. Bon, c'est vrai, c'est étonnant, puisque depuis que les conservateurs sont au pouvoir, on a l'impression que le Canada est passé de 50 à 10 pages, mais encore une fois, ce n'est qu'illusion, le Canada s'épaissit. Les conservateurs n'ont fait que quelques changements mineurs à ce merveilleux guide et encore une fois tout le monde chiale. Je me fais penser à quelqu'un, j'aime pas ça. Oui, justement, je me désertifie. Par exemple, on spécifie que le mariage est une institution fondamentale au Canada et il constitue pour bien des Canadiens le fondement d'une vie familiale. Ah. On veut dire ici que pour bien des Canadiens, quand on met un pipi dans un pipi de façon normale, on fonde une famille. C'est quoi le problème avec ça? Hein? Et quand le guide dit de même le mariage est une des pierres d'assises d'une société forte et prospère et qu'il est un gage de prospérité, c'est quoi le problème? Regardez ici, hein, les gens ne se marient plus. Ils s'accotent et vivent dans le péché. Et oh, surprise, on est la province la plus pauvre du Canada. Ah. Hein? 2 moins 1 égale 1, c'est pas difficile à comprendre. Et le guide rappelle également qu'au Canada, on ne tolère pas la violence conjugale, sauf si on est un sénateur autochtone, mais heureusement, les Autochtones n'émigrent plus au Canada, ils s'éteignent à la place. Les mauvaises langues ont aussi rechigné sur le petit paragraphe sur la monarchie. Pourtant, il y a une jolie photographie de Kate et du prince William. C'est vrai qu'on peut déplorer qu'il n'y ait pas de photo de Pippa Middleton, qui est quand même la belle-sœur royale, avec le plus beau papotin du Commonwealth, selon les experts, c'est pas moi qui parle ici. Et on a entendu aussi les gens dénoncer la place que prend l'armée canadienne dans le guide. Franchement, ce n'est que quelques lignes qui vont comme suit. Nous avons une fière tradition militaire de protéger le Canada et de préserver la liberté et la démocratie. Là-dessus, difficile d'être en désaccord. La liberté et la démocratie sont menacées au Canada. Mais ça pourrait être pire. On pourrait s'assécher, ce qui nous forcerait à immigrer au Canada. Et personne ne veut ça. Merci, frère. Ça fait plaisir. Je vais boire une gorgée d'eau. Je me sens comme le Sierra Leone. Ben, on va en profiter pour aller retrouver Jean-Sébastien. Ah, comment allez-vous? Hey, ça va bien? Avez-vous écouté la chronique de Fred? T'es-tu, c'est bon? Hein? J'ai ri, là! Ah oui? Vous l'avez... Hey! Bon, OK. Bon, alors, ben, comme vous savez, je suis toujours au Planétarium d'Arles avec Mme Louise Harel. Loulou, je veux savoir maintenant si vous connaissez bien la ville que vous voulez diriger. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Je vous pose les questions, vous répondez tout simplement. Vous êtes prête? Très. Bon, parfait. Question numéro 1. Où se situe Montréal au niveau du point latitude nord et de longitude ouest? C'est chiant. Oh, à la hauteur de Stockholm. Ah, mauvaise réponse! Ça se situe à 45 degrés 31 heures 0 secondes de latitude nord et à 73 degrés 39 minutes 0 secondes de longitude ouest. Juste pour vous dire, Denis Coderre a réussi à répondre à cette question-là. Question numéro 2. Catégorie qui suis-je? Je suis un homme politique né à La Chute le 28 décembre 1959. Qui suis-je? Claude Ryan. Mauvaise réponse, c'est Benoît Labonté. Comment il va toujours? Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Ah, moi non plus. Ah non, hein? Peut-être qu'il va passer au programme de la bonne juge Charbonneau, on va vérifier ça. Et troisième et dernière question. Je suis une femme politique au municipal qui a reconnu avoir accordé une garantie de prêt pour financer des petits fournisseurs. Qui suis-je? Louise Harel. Et c'est une bonne réponse, Mme Harel. Bravo! Ça représente quand même 33% de bonnes réponses. Je pense que vous êtes prête à passer à la mairie. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que je vais voter pour vous, probablement. Mais avant de terminer cette entrevue, j'aimerais donner la possibilité, parce que nous sommes quand même une radio d'État, donner la possibilité à nos auditeurs aussi de vous poser des questions. Alors, chers auditeurs, vous pouvez dans les prochaines minutes nous écrire vos questions à Mme Harel à lasoirée@radio-canada.ca. Et dans quelques minutes, on vous revient avec la conclusion de ce beau reportage. Ben, avec les réponses. Merci, Jean-Sébastien. Journaliste des affaires judiciaires à Radio-Canada depuis de nombreuses années, elle vit un peu son Super Bowl grâce à la commission Charbonneau. Accueillons Mme Isabelle Richer! Bonsoir, assoyez-vous. Bon, là, prenez donc une bière, Mme Richer, parce que là, je suis tout seul à boire, je me sens un peu niaiseux. Mais non, je bois pas de bière. Arrêtez donc. Ah, c'est décevant. Bon, une chance que les 25 personnes dans la foule sont en train de se saouler raide. Bon. Mais si vous aviez du vin, cependant. Non, malheureusement, c'est au-delà de nos capacités. Ben, tout d'abord, Isabelle, première question, qui est toujours un peu... Sensible. Oui, sensible, mais il y a la manière, hein, puis c'est un dossier qui... Ben écoutez, le 7 mars dernier, je lisais dans l'Éco-Vedette que Luc Picard et vous, c'était terminé. Oui, je sais. C'est encore terminé? Il me semblait qu'on était revenus ensemble. Ben, je sais pas. Non? C'est, ça me fait tellement mal pour vous. Je le sais, Luc je Picard sais. Est tellement... Tellement. Ben oui. Je Carl, le sais. Il est comment dans vie, Luc Picard? Il est formidable. C'est vrai? J'aime mieux pas en parler, je vais me mettre à pleurer. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est drôle, j'ai toujours pensé qu'elle était un petit peu plus brunette que ça, Mme Richer. Moi, hein, quand j'ai regardé la Covedette. Vous riez, Jean-Philippe, mais au Palais de justice... Assez régulièrement, il y a des gens qui m'accueillent, des gens qui du personnel qui me disent « Hey, tu vas jouer dans une série? » Arrêtez donc! Il y a encore des gens qui confondent. Le monde est nono. Ben pas nono, mais il y a des gens qui... des gens qui savent pas qu'il y a deux Isabelle Richer. Est-ce que ce sont des journalistes? Parce qu'on dit tout à l'heure que les journalistes, c'est pas fort. Non, c'est pas des journalistes. Non, OK, d'accord. Mais vous c'est pas un critère, là. Mais si je peux vous dire une chose, oui, ben, moi, c'est à peu près 4 fois que je me fais poser la question suivante par des journalistes depuis un an. Oui. Est-ce que tu es en relation... avec Martine Ouellet? Est-ce que vous êtes en relation, vous puis Martine Ouellet? Non, je n'ai jamais été. Ah, mais régulièrement, ça revient. C'est vrai? Mais il dit, je lâche pas. Mais non, il y avait un mais. À forcer, on réussit, hein? Mais là, sans... ma blonde écoute ça. Là, oh, excusez, madame contente. La blonde de M. Breton. Mais vous le connaissez pas du tout, Luc Picard, toujours? Ben non. Ah. Ben non, pas du tout, absolument pas. C'est fâchant. C'est bête. On avait, hein? J'ai le nom prédestiné, ben oui. En tout cas. Bref, j'ai le nom, tu sais. Ben, coudon. Ah, ben ça me déçoit. Fait qu'on va parler de la commission Charbonneau. Ben oui, je m'excuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais tout excité. Je l'aime beaucoup, moi, Luc Picard. Qu'est-ce que vous voulez? Il va peut-être y aller à la commission, on ne sait pas. Oui. Il reste du temps. Est-ce que Luc Picard aimerait ça, la commission? Il a joué dans Omerta. Ben, en tout cas, les comédiens à qui j'ai parlé de la commission ou que j'ai croisé me disent qu'ils sont fascinés par l'exercice. Ben, c'est un bon show de TV. Parce qu'il y a une galerie de personnages absolument formidable. C'est Fabienne qui est derrière ça, la commission Charbonneau. C'est ça! Mais là, justement, la commission Charbonneau est en pause. Vous êtes sur le bord de la dépression. Ça recommence dans une semaine et demie. Oui, ça recommence le 15 avril. Le 15 avril. Et là, vous êtes en vacances pendant ce temps-là? Oui, je suis en vacances. Ben, j'espère je suis pas en dépression du tout, je suis en vacances. Ah! Mais pour une journaliste judiciaire, est-ce que la commission Charbonneau, justement, on le disait, est-ce que c'est le Super Bowl? C'est pas mal le maximum, oui. On peut pas aller plus haut que ça, là. Ben, c'est-à-dire, c'est pas tellement qu'on peut pas aller plus haut, c'est que c'est une affectation formidable, ouais. Parce qu'il y a une constance, parce qu'il y a un ramassis de personnages qu'on connaît, qui sont un peu mes clients, là, depuis quelques années. tout le crime organisé, ben, je les pratique depuis un certain nombre d'années. Ben oui, c'est où, premièrement? C'est sur... René Lévesque Ouest, oui. Au coin de Beaver Hall. 500 René Lévesque Ouest, 9e étage. C'est une belle place. Grande salle, plein de sièges. Il y a des beaux restaurants dans ce coin-là. Oh, je sais, j'ai aucune espèce d'idée. Oui, OK, d'accord. On sort pas, mais on mange voulais, pas. Je vous en parlerai. C'est mais... intéressant, c'est dans le comté de Westmount. Arrêtez donc. Ouais. Ah, ben il y a un lien dans tout, hein, qu'est-ce que vous voulez. toujours est-il qu'une journée à la commission, vous y allez là tôt et vous siégez, vous êtes assise toute la journée à regarder ce que les gens disent. Et ils fournissent les pinottes au moins, je peux pas croire. Eh bien non. Arrêtez non. donc. Au début, Jean-Philippe, on n'avait pas le droit de manger dans la salle. Ben, moi, j'ai une question pour vous. Vous avez vu ce qui est arrivé avec le député de Berthier, André Villeneuve? Oui. Quand il est sorti, justement, de Absolument. La commission Charbonneau, oui. puis on avait vu un véhicule avec la plaque oui. minéralogique où on disait que oui. c'était un camion de son entreprise. Ben oui! Et quelques mois plus tard, on a dit non, non, il y a eu erreur. Exact. Ben, je veux dire, André Villeneuve, là-dedans, a mangé toute une claque. Oui. Ça, j'espère qu'il y a des leçons qui ont été tirées de ça. Bien, je l'espère. Vous savez que ce n'est pas Mme Charbonneau, elle, hein? C'est celle-là. Non, mais c'est pas, et c'est pas France courant. Charbonneau qui a fait l'erreur non plus, c'est la GRC. Ouais. Alors, effectivement, c'est le danger dans toutes les procédures, que ce soit une commission d'enquête ou un procès, qu'un policier se trompe. Là, ils avaient pris une plaque minéralogique en inversant les là, lettres ou que sais-je. Ouais. Et là, j'aimerais dire quelque chose. C'est ça. Et j'aimerais dire quelque chose. Je vois M. Robert Poitier au fond de la salle. Les policiers ne se trompent jamais. Et ça, je trouve ça très important. Je voulais le mentionner parce que je le vois, il nous regarde, ça me stresse cas, énormément. Les policiers de la Sûreté Alors, du juste Québec, répéter. Là, à la retraite, ouais. non, eux autres, non, ils se trompent ils ne pas. Se trompent jamais. Donc ça, je pense que c'est clair. Faites votre épicerie ce soir, je pense. Oui, c'est ça, je vais lancer mon itinéraire. Donc, on prolonge les travaux, mais on a des prochaines semaines qui s'en viennent. Il nous reste encore une semaine de pause. Et là, qu'est-ce qui s'en vient à la commission Charbonneau? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va être crunchy, là? Les prochains témoins, par exemple? Bien, quand on va sortir de la ville de Montréal, là, après Frank Zampino qui dira pas grand-chose, le maire Tremblay qui va venir dire ce qu'il a à dire. Il va dire plein de choses, lui, non? Quand on sortira de la Montréal, ville de Montréal, oui. il faut aller vers... Il y a des pistes là, qui ont été proposées. Ouais. Hein? Alors, il y a les syndicats, parce que les syndicats dans le monde de la construction, on en a eu une belle illustration cette semaine. Ça pourrait intéresser la commission Charbonneau. Vous pensez que les syndicats ont des torts, vous? Ben, non, pas des torts. Ah, c'est pas okay, ça comme ça. Je me disais, okay, non, certainement, on peut très certainement les interpeller. En tout cas, ils ont un rôle et il va être examiné par la commission Charbonneau. Le crime organisé a infiltré jusqu'à un certain point les syndicats dans le monde de la construction. Puis c'est quoi qui a réveillé les soupçons? Un gars qui s'appelle Rambo ou... Non, c'est plutôt un gars qui s'appelait Paul Sauvé, qui était un entrepreneur en maçonnerie. Ouais. Alors ça, c'est toute la portion là, qui devrait être examinée. Et là, en sortant de Montréal, on s'en va à Laval aussi? Bien là, Laval, on ne sait pas. Hein, c'est-à-dire? C'est parce que Laval est sous enquête. Ah, c'est Alors, ça. Alors là, tant que ça, ce n'est pas fini, mais de toute façon, ils n'iront pas mettre leurs pattes dans ces plates-bandes-là pour ne pas tout Avec le nouveau maire Alexandre Duplessis, tout est beau. Mais premièrement, c'est ce qu'il a dit. Ben oui, tout est correct. Après, si on écarte Laval pour un moment, il y aura le ministère des Transports du Québec. Écoutez, le rapport du Chesneau se concentrait sur le ministère des Transports du Québec. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore ou à peu près pas. Mais là, maintenant que le PQ est au pouvoir, il n'y a plus de problème, non? Je me tourne vers M. Breton. Je peux vous dire que Sylvain Gaudreau, le ministre des Transports et des Affaires municipales, fait beaucoup d'efforts, justement, pour faire en sorte, avec le projet de loi 1, justement, pour éliminer les entreprises trouvées coupables de corruption. Là. De toute façon, ça fait partie de nos priorités. C'est pas un gars de Saguenay, ça, Sylvain Gaudreau? Ouais, oui, bon, il n'y a pas de problème. Là, pas de problème, tout est réglé. C'est regarde, ça, on s'est tout du bon monde. C'est beau. Il n'y a pas de stress là. toujours est-il que vous êtes dans le domaine judiciaire depuis tellement longtemps qu'on a envie de vous demander, il doit sûrement avoir un moment fort de votre carrière, un procès le plus morbide, le plus fun, le plus amusant. C'est quoi votre journée la plus fun au Palais de justice de Montréal, par exemple? Ben, la journée la plus fun. Il y a des moments marquants. Ouais. Le procès de Maurice Boucher, c'était quelque chose. L'arrestation de Vito Rizzuto. Ah, ça peut être la fun aussi. T'sais, assister à ça, c'est quand même particulier. Voir Maurice Boucher acquitté, quitter les lieux par la grande porte, entouré de ses sbires qui donnaient des high-fives. C'était renversant. J'étais vraiment... là, tu te dis, mais par qui sommes-nous menés? Mais... Alors, il y a des moments comme ça qui sont assez troublants. On va terminer sur des projets personnels parce que, évidemment, la commission Charbonneau ne siège pas de l'été, j'imagine. Non, fait que vous avez du temps libre, vous allez travailler. Ben oui, exactement. Vous allez faire du direct tous les jours à la place. Oui, vous allez remplacer à l'émission des hôtels. Donc, encore une fois, c'est la troisième année. Oui, de c'est le troisième été. Ouais, oui. Merci, c'est mon fin. Et là, c'est spécial parce qu'on a une journaliste judiciaire qui s'en vient faire le retour à la maison. Mm-hmm. Vous lâchez quasiment votre fou là-dedans. Ben oui. Pareil que vous êtes bien drôle dans la vie. Ah oui? Oui. Qui c'est qui vous a dit ça, Marie-Hélène, je vous gage? Oui, ma soeur qui est recherchiste ici m'en parle, mais il y a plein de monde que je rencontre dans les bars qui me disent que vous êtes... Vous êtes folle comme de la marde. Moi, je suis libre cet été. Est-ce qu'on se fait des chroniques ensemble? On devrait. Bon, parfait. Vous restez avec nous? Bien, certainement. Ben, j'espère bien. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. S'il était rémunéré au nombre d'inepties qu'il entend sur la radio Jean Bonne à la semaine longue, il pourra lui seul acheter tous les paradis fiscaux. Voici la chronique d'Olivier Niquette. C'est rendu des présentations à plusieurs paliers, là. Hein? j'aime ça. Eh bien, vous l'avez peut-être manqué, occupé, que vous étiez à manger du jambon de Pâques, mais avait lieu en fin de semaine le festival du douchebag, le fameux bal en blanc. Oui. Si vous n'étiez pas là, ce n'est pas grave, parce que TVA était sur place pour interviewer une festivalière au sortir de sa nuit blanche animée par le DJ David Guetta. Hey, Guetta, là, oublie ça, là. Quand je suis à la salle de Saint-Jean, là, oublie ça, là. Quand Guetta est embarqué, là, pou, pou, pou, pou. Hey, Guetta, oublie ça, c'est une machine. C'est une machine de course, je te dis, là. C'est fou, là. Oublie ça, je sais ce que je vais faire à Pâques l'an prochain. Une autre preuve que les Vox Pop, c'est su à coche. Sinon, un peu de turbulence en fin de semaine devant les studios de Radio X Montréal, alors que les activistes tentaient de remettre à Carl Monnette le prix de la poubelle d'or de la citation pas d'allure de l'année. Faut dire que Monnette déterre chaque semaine tout plein de complots communistes. Oui. Pas étonnant que l'on veuille l'éliminer. Sont rendus à essayer de trouver n'importe quelle espèce de bassesse pour me faire paraître comme le plus imbécile des caves, pour essayer de m'éliminer. C'est juste ça. Ça dérange-tu cette chronique-là avec Richard Descaries? Sur tous ces groupes d'extrémistes gauchistes-là, avec tous les liens d'organisation bidons que vous voyez à la télévision, dans les médias, à Radio-Canada. Radio-Can aussi, il y a plein d'extrémistes gauchistes dans cette gang-là. Ben, il n'y a pas tort là-dessus. D'ailleurs, dommage que nous soyons à la radio, sinon vous pourriez voir qu'Isabelle Richer porte en ce moment même un chandail du Che. Les deux tracteurs de Carl Monnette essaient de le faire passer pour un cave. Sauf que si ce n'était de lui, là, qui ferait des enquêtes de fond comme celle-là? Non, mais les tiens, ils sont magnifiques. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je fais une entrevue avec une femme avec les seins nus. Et je te le dis, tu es très jolie. Oh, merci. Oh, non, ça, c'est pas le bon extrait, là. Ça, c'est une enquête de bas fond. Je disais donc, qui ferait des enquêtes comme celle-là? En Turquie, on arrête des membres de l'Association des juristes progressistes parce qu'on est en train d'organiser des attentats. Et que je vois ici, au Québec, on a une association de juristes progressistes. Je veux pas faire de lien entre les deux parce que je suis pas au courant pantoute et ça se peut que ce soit pas ça du tout, là. Mais ça sonne une cloche. Je veux pas faire de lien, mais je vais en faire un pareil. Alors, il y a des avocats des droits humains en Turquie qui se sont fait arrêter selon des lois antiterroristes un peu douteuses, donc faut s'inquiéter d'une organisation québécoise qui porte le même nom. C'est comme si un gars en Turquie s'appelait Carl Monnette puis on l'accusait de fraude à cause que notre Carl Monnette à nous pratique la fraude intellectuelle. C'est tiré par les cheveux, ben ça. Oui. Un peu de politique fédérale maintenant, alors que le ministre Kenney dévoilait son nouveau guide à l'intention des immigrants. Une belle occasion pour Jean Lapierre de nous en apprendre un peu plus sur le personnage. Disons que le ministre Kenney, qui est reconnu pour son conservatisme, n'oublie pas qu'il est encore vierge. Ça ne se fait pas sans le mariage, puis il n'est pas marié. Bon. Ah, ben, coudonc, mais... Tu savais pas voilà. ça? Non. Je t'en apprends, hein? Ça y paraît dans la face. Oui, ça y paraît dans la face qu'il est encore vierge. Comme ça paraît dans la bouche de Jean Lapierre, qui est encore un libéral, mais on le juge pas pour autant. Ben, un peu des fois, là. Sinon, mercredi, RDS couvrait dès 6 heures du matin la journée des pas de transaction dans la Ligue nationale de hockey. Et Canadien n'a pas bougé parce que, de toute façon, comme l'explique Ron Fournier, aïe, que Canadien avait déjà fait un excellent échange il y a un mois. Quel beau souvenir, hein? Attendez, je veux pas me perdre là-dedans. Ah, oh, Seigneur, quel beau souvenir. Le 26 février dernier, les Canadiens acquièrent l'ailier droit Michael Ryder des Stars de Dallas en retour d'Eric Cole. Aïe. Non, je dois m'incliner devant cette analyse lumineuse. Ça sent la coupe. Terminons avec un délicieux moment de télévision alors que Patrice Roy au téléjournal 18h de Radio-Canada nous parlait de June Lin, la célèbre victime de Luca Rocco Magnotta. Il avait une vie avant, c'était un être humain à part entière. Bon, je vous laisse le soin de conclure avec votre propre blague douteuse d'être humain à part, pas entière, parce que je n'aimerais pas être en nomination pour la prochaine Poubelle d'or. Ça finit de même. C'est comme une conclusion dont vous êtes le héros, là. Bon, merci, Patrice. Vous avez sans doute vu la publicité des fromages Bergeron, je sais pas si... où on nous explique que le fromage sans gras goûte pareil comme celui avec gras. Hein? D'ailleurs, ça demandait pourquoi ils continuent à faire du fromage avec gras. Ben oui, hein? Mais bon. Alors, on sait pas trop d'ailleurs, mais on a découvert que le même concept s'appliquait à la politique québécoise. On écoute. On a toujours dit qu'un parti devait se démarquer pour être élu. Faux! Grâce aux Québécois. En voici la preuve. Nous avons mis ces personnes au défi d'identifier le PLQ et le nouveau PQ de Pauline Marois. Marc, c'est lequel le PLQ? C'est celui-là! Nancy? Ben non, c'est lui. Marc? Ben non, c'est lui. Les deux sont aussi jambons. Tout à fait. Avec les Québécois, PLQ ou PQ, c'est votre choix. Puis là, on est pogné avec. PQ et PLQ, que c'est jambon. On y va fort un peu. Ben, je sais pas, c'est vous qui l'avez fait. Non, non, c'est Olivier. Ah, OK, d'accord. Ce qui va nous permettre d'aller rejoindre Jean-Sébastien pour une dernière fois. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe, toujours au Planétarium d'Ao avec Mme Louise Arel et beaucoup de questions du public. On en a reçu énormément. Évidemment, je vais y aller avec les plus pertinentes. Première question, Mme Arel, qui nous vient de M. R. Bergeron. Mme Arel, allez-vous vous têter une job au PQ comme Boisclair et 17 si vous perdez une deuxième fois à la mairie? 28 ans, ce fut suffisant. Ah, vous avez tout au PQ? Bon, deuxième question qui nous vient de M. L. Fernandez. Pourquoi, Mme Arel, vous prononcez Maréal au lieu de Montréal? Bon, écoutez, je vais faire un effort, je vous le promets. Vous êtes bien fine. En terminant, Mme Arel, un courriel qui nous vient de M. M. Applebaum. Mme Arel, il paraît que vous aviez un anglais assez approximatif, mais vous auriez suivi des cours d'anglais l'été dernier. Est-ce que vous pouvez traduire la phrase suivante? J'annonce ma volonté de rebâtir la confiance des Montréalais envers leurs élus. I want to restore the confidence of Montrealers in regards of their elected officials. Ben, j'imagine que c'est beau, Madame Arel. Ah, vous m'avez complètement séduit. Vraiment, je vais vous suivre avec beaucoup d'intérêt, mais je vais quand même voter pour M. Coderre. Ben, ce sera bien, tant pis pour vous. Merci beaucoup. Allons voir les étoiles ensemble, Madame Arel. Alors, à très bientôt. À très bientôt. Ce fut un grand rendez-vous, Jean-Sébastien. Merci, madame. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Hein? On l'aime-tu? Ben, je sais bien. Elle parle pas fort, mais on l'aime. Ben oui, je sais bien. OK, allez vous coucher, là. Bye-bye. Bye. Fred, notre dernier chroniqueur. Il se plonge cette semaine sur les écarts de conduite et judiciaires de nos parlementaires à travers l'histoire et on n'est pas sûr que 4 minutes suffiront. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bon. Voulez-vous une bière, vous? Ben là, les autres, ils en ont pas pris. Ben hein? Je sais, mais je bois tout seul depuis tout à l'heure, je me sens assez gêné. Donnez-moi ça. OK, parfait, parlez-moi de ça. Hey, notre public est bien chaud en passant. Ah oui, hein? Oui, c'est cool, ça va être facile. Parce que pour rire de même des jokes de Jean-Sébastien, il faut être chaud. OK, tant qu'à recevoir une spécialiste des tribunaux, là, vous vous êtes penché sur les frasques de nos élus. Ben oui, on connaît ça, les erreurs de jeunesse. D'ailleurs, on se souvient que la jeunesse d'André Boisclair avait duré jusqu'à la quarantaine, à peu près. Et s'il y en a qui pensent que M. Breton fait des erreurs de jeunesse, détrompez-vous, vous êtes un amateur. Mais vraiment, là, vraiment. Il y en a qui ont fait bien pire, puis ah oui, hein? Pas juste avant d'être élu, là, pendant qu'il était élu. Il y a un seul député dans l'histoire qui a été formellement expulsé de la Chambre après des accusations criminelles au Québec. C'est un gars de Terrebonne. Oui. Hein? Tiens donc. Okay. Charles-Jean-Baptiste Bouc. Non, pas pour son nom qui a été expulsé. On est en 1796. Ah. Il a été élu en 1796, condamné en 1799 pour fraude de blé. Avant, on faisait de la fraude avec du blé. Là, de nos jours, on fait du blé avec la fraude. Ouais, okay. Et au bug de l'an 1800, on l'a expulsé de la chambre. Arrêtez donc! Ouais. Vous avez dû écrire des blagues là-dessus, Fred, à l'époque. Oui, c'est commencé à peu près là. Mais vous savez, Fred, c'est pas d'hier que les Québécois ne comprennent pas parce qu'ils l'ont réélu après. Voilà. Ouais, au point où en 1802, la chambre a adopté une loi intitulée, et je cite, et c'est vrai, « Acte pour rendre Charles-Baptiste Bouc inhabile et incapable d'être élu, de siéger ou de voter. » C'est quelque chose, hein? Quelques années plus tard, il a été emprisonné pour intrigue criminelle. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, c'est un organisateur politique auprès de certains députés montréalais. Et pas très longtemps après... C'est vrai? C'est tout à fait vrai. Et en 1823, il y a John Caldwell, qui était ministre du Revenu du Bas-Canada. Ministre du Revenu, il a volé 95 000 livres dans la caisse publique, condamné par la Cour. Il n'a jamais démissionné, il n'a jamais rendu l'argent et il a continué à toucher son salaire de conseiller législatif pendant qu'il vivait à Boston. Aujourd'hui, ce serait dans les Bahamas. Mais c'est bien beau le passé, là, mais des cas récents quand même, il doit en avoir. Ben, justement, évidemment, on pense notamment à Claude Charron, hein, qui avait volé un manteau chez Eaton parce qu'il était désillusionné de la politique. Ouais. Et d'ailleurs, et j'ai feuilleté le catalogue de l'époque. Je vous confirme qu'il fallait vraiment être très désillusionné pour voler un manteau chez Eaton en 1982. En fait, selon la rumeur, il s'agissait en quelque sorte de son coming out parce qu'en voyant le dit manteau sur le rack, la couleur allait tellement mieux avec son pantalon qu'il se serait crié « Man, c'est le match de la vie! » C'était la blague dédiée à Fred Savard. Lâchez-le, Fred. Là. Mais quand même, en 83, Gilles Grégoire, cofondateur du PQ, député de Frontenac, accusé et reconnu coupable de détournement de 7 jeunes filles mineures, il refuse de démissionner, il purge sa peine et il revient siéger au Parlement après en 84 parce qu'il dit que partir, ça aurait été trop facile. Rester, ça, c'est plus dur. Aujourd'hui, il serait probablement sénateur. Vous avez Daniel Bouchard, aussi député libéral de Mégantic-Compton, accusé en 2004 de fraude avant son élection. Ouais. Resté comme député indépendant, plaidé non coupable. Puis là, après, à l'autre élection, il a plaidé coupable une fois son mandat terminé parce qu'on va quand même pas cracher sur un beau salaire. Ben non, je sais bien. Et bien sûr, vous avez Tony Thomassin en 2011, accusé de corruption et d'abus de confiance. On se souvient qu'auparavant, il était ministre de la familia, de la famille. Excusez. Je suis si dole que ça, être député, parce que finalement, il y a juste Amir Kadir qui a trouvé comment se faire arrêter sans voir et sans corruption. Il manifeste. Ouais. Merci, Jean-Philippe. Eh bien, imaginez-vous que c'est tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret, puis on est fou, puis on lit ensuite. C'est Bande à part. Merci à toute l'équipe. Valentine Sicotte. Jean-Loup Gagnon, Philippe Robert, j'ai Marie-Hélène Vautier. Un gros merci à nos invités de ce soir. Monsieur Breton, bonne fin de mandat. Et faites attention à Manon Massé dans votre comté la prochaine fois, parce que je vous le dis, elle est forte. Oui, vous mais moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Suivez les médias, vous allez voir de bonnes nouvelles. Oh! Ben là, on va prendre un petit moment pour savoir c'est quoi. Hein? Ah non. Ah non, vous savez, on dit que c'est bête. Et Isabelle Richer, ben bonne chance avec Louis Picard. Et on se revoit à la commission Charbonneau dès que possible. Tout réducteur. Et quant à nous, si vous voulez réécouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez aussi venir à l'enregistrement de l'émission, ça se fait les jeudis à 17h. Vous n'avez qu'à envoyer un courriel et on se fera un plaisir de vous réserver une place. Nous vous inviter la semaine prochaine. Mais on continue dans la même ligne avec Alain Gravel et Luc Ferrandez, un petit monsieur du plateau. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune, tout le monde.